boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ouais, faut pas faire chier Albert Roche, c'est pas moi qui le dis, c'est la bande à Matze Raskolnikov. Pour la petite histoire, allez voir donc sur YouTube l'histoire du héros Albert Roche, ça vaut le détour. Pour la seconde petite histoire, Raskolnikov est en train de mettre en place leur dernière vidéo tournée pour partie en région rouennaise. Et ouais, et leur nouvel album devrait sortir courant 2023. Affaires à suivre. Je viens de vous offrir Show Me des Sisters of Mercy qui se caractérisent notamment par le fait qu'ils n'ont pas sorti d'album depuis plus de 20 ans. Alors, pour trouver leur nouveau titre, il faut gratter dans leurs nombreux concerts qu'ils ne cessent de donner. Show Me, Black Sail, deux titres inédits des Sisters que vous ne trouverez qu'en version live. Mais comme vous êtes sages ce soir, voici un dernier titre inédit des Sœurs de la Pitié, style dans une version, comment dire, live, mais prise sur le vif. Ce soir, votre pop and rock reste très black wave, très noir, car on ne fera pas dans le léger, surtout que maintenant arrive le nouveau titre des chouchous de mon pote Steph. Voici And Also the Trees, avec deux titres, Trent Rupert, mais tout de suite on écoute In a Bed in Yugoslavia. Chaque lundi entre 17h et 18h, vous êtes sûr d'écouter le meilleur du rock en vous branchant au 104.6 pour écouter Pop and Rock. Eh bien, merci la petite voix off. Et en effet, on continue avec un second titre de And Also the Trees. We'll be right back. lies on bed in a chamber and watches the waves and the feather-headed grasses that waver on the grey stone balcony. He sees the bloodstained silk white sky of another dawn. But Rupert knows this crimson morn will turn to dusk and night will fall before the day. Oh, give me this day. To his ruby ring, slipping from his finger, pale and thin, unto the floor. Oh, give me this day. Where the night bows her head, stars weave their dreams around him, shaken from her loose black raven hair. Oh, give me this day. Et tout à l'heure, j'évoquais mon pote Steph, amoureux des Under the Trees et friand de concerts, quitte à faire plusieurs centaines de kilomètres, ce qui fut le cas ou presque lorsqu'il est allé voir récemment les Cure, et il a alors découvert en première partie de Twilight Side que nous partageons à présent. Merci Steph. Stop me. n'avez pas eu le temps de vous faire un avis sur le Twilight Sad, pas de soucis, RVR et Pop and Rock vous offrent There's a Girl in the Corner, second titre du soir des Twilight Sad. Et dis donc, il est pas top ton accent. Et où la voix off, tu sais ce qu'il te dit mon accent? Allez, musique. Blackwave n'est pas l'apanage des seuls groupes teutons ou grands bretons, il y a aussi les grenoblois de Varsovie. Hein? Ils sont de Grenoble, Varsovie? Tais-toi, la voix off. Écoute plutôt Varsovie. Qui donne à l'inflexion, qui choisit d'y penser, qui les épuiser Francis Jock avant d'aller danser. Avant d'aller danser. Mécanique sous des commentaires creux. Mauvaise mine impeccable, rayée des magazines. Accorde à sertraline, sur vipère et jasmin. Aspirante à la casse, pour une aile enfoncée. Judas sur la porte t'invite à la fermer. Qui donna l'inflexion? Qui choisit d'y penser? Qui disait Francis Jock avant d'aller danser? Avant d'aller danser. Plus. Désaccord au sujet des étoiles. Désaccord au sujet des étoiles. Désaccord au sujet des étoiles. Désaccord au sujet des étoiles. Désaccord au sujet des étoiles. Désaccord au sujet des étoiles. Désaccord au sujet des étoiles. Désaccord au sujet des étoiles. D'erreur, comme tous les lundis entre 17h et 18h, vous écoutez bien Pop and Rock sur la trail locale RVR. Et ouais, et la preuve, voici Fontaines DC, I Don't Belong. Ça va mon accent là ? I don't belong to anyone. 2022 restera notamment comme l'année de sortie d'un album des Pixies. Bien souvent on se range dans la catégorie du rock alternatif tout et n'importe quoi. Pour moi, le rock alternatif, c'est ce que l'on n'entend pas beaucoup, et ça peut aller de la Black Wave de Raskolnikov au rock bien américain de Other Lives. I'm on exit, I know you won't see me this time. I'm in out of love, but you know I can't find it. I'm on let you go. Seeker. N'oubliez pas, si vous n'avez pas le temps entre 17h et 18h les lundis d'écouter Pop & Rock, foncez sur la page Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Bien le dire, dans les années 90, les frangins Gallagher me foutaient la nausée. Et puis Oasis is dead. Et les Gallagher ont pris chacun leur chemin, et ce soir, c'est celui du Noël que nous suivons. Beneath the starry sky of a distant moon, at the magic moment, it's gonna come too soon. There was a girl like me, there was a boy. Votre pop and rock va s'achever, alors pour se quitter en beauté, on va faire le seul et unique oldies but goldies du soir, les amoureux de New Order, enfin plutôt non, les fils spirituels de Joy Division, New Order nous chante Crystal. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Don't know what to say. You don't care.